Séraphine Hakizimana sur la mise en onde. Nous sommes mardi 2 juin. Bonjour. Voici, madame, messieurs, les grands titres de cette édition. La lutte contre la fraude et la contrebande a produit des effets positifs durant les 5 premiers mois de cette année par rapport à l'exercice écoulé. Vous aurez plus de précisions avec le commissaire général de l'Office burundais des recettes, OBR. Dans cette édition, les caféiculteurs de la province Karusi demandent à l'État d'instaurer un système d'octroi des avances et l'Office burundais pour le développement du café ODK révèle qu'ils peuvent demander une avance équivalente à 20% du prix de leur production. Et vous aurez également la chronique santé. Le pneumologue François Ndikumwenayo nous parlera des conséquences du tabac. Isanganiro, la radio de l'avenir. Transitionnel pour débuter cette édition. Début ce mardi à la colline de Burenge, en commune Marangara de la province Ngozi, dans le travail d'exhumation des restes dans la crise 1988. Lors de cette activité de la commission Vérité et Réconciliation, l'administrateur de cette commune a informé que certaines informations font état de l'existence de plusieurs fosses communes sur les 34 collines de la dite commune. De son côté, Albert Ndouimana, gouverneur de la province Ngozi, demande à sa population de ne pas attribuer les tueries de 1988 à tel ou tel autre groupe. En page économie, la lutte contre la fraude et la contrebande ont évolué positivement cette année par rapport à l'exercice écoulé. Et le recouvrement est passé de près de 360 millions de francs burundais pour l'exercice 2019 à plus de 440 millions de francs burundais depuis le mois de janvier jusqu'au mois de mai de cette année. Dans une conférence de presse de ce mardi, le commissaire général de l'Office burundais des recettes, Berodas Niyonzima, a expliqué que ce montant provient de la saisie d'épargne, des téléphones et des boissons suivies. L'OBS s'appuie sur les autres institutions de l'État, en l'occurrence les corps de défense, de sécurité, la police, la justice, l'administration, les services nationaux de renseignement et sans oublier les médias qui jouent un rôle important dans cette tâche. Cette synergie de ces corps de l'État a été renforcée depuis le début de cette année sous l'instruction de son excellence Monsieur le Président de la République du Burundi qui a fermement recommandé à ces institutions de travailler en étroite collaboration pour lutter efficacement contre la fraude et la contrebande, ce qui a permis d'améliorer les résultats des actions de lutte contre la fraude et qui sont régulièrement menées par l'Office burundais des recettes. Alors, les différentes actions menées dans le cadre de cette lutte contre la fraude et la contrebande ont permis de recouvrer un montant de 440 810 604 francs burundais sur 777 procès-verbaux de saisie qui se sont suivis par des paiements. Ça, c'est au niveau de la fraude douanière. Donc, nous avons enregistré sur les 4 premiers mois 777 cas de saisie et qui ont abouti à un redressement de 440 810 604 francs. Francs burundi. Ces produits interceptés, constitués par les pagnes, les téléphones, les jus, les limonades, les vins et les liqueurs, les motos qui sont souvent saisies pour faux et usage de faux, les sachets d'emballage et des redressements dans le cadre du territoire douanier unique qui s'accompagnent souvent par de fausses déclarations ou par des minorations des quantités d'importation. Le détournement de transit, ce sont ces différents éléments qui constituent les principaux source de fraude douanière. Et ces produits viennent essentiellement de la Tanzanie, de la RDC et de Dubaï. Et en plus des amendes infligées, des sanctions s'appliquent aux récalcitrants, souligne le commissaire général de l'Office burundais des recettes OBR, que vous suivez encore une fois. Lorsqu'il y a complicité dans la violation de la loi douanière, la loi prévoit un emprisonnement de jusqu'à 5 ans. Et lorsqu'il y a enlèvement et altération des scellés douaniers, la loi prévoit un emprisonnement jusqu'à 3 ans ou 2 500 $ ou les deux sanctions. Et lorsqu'il y a incitation à la commission d'une infraction douanière, la loi prévoit un emprisonnement d'au moins une année. Et lorsque une personne se fait passer pour un agent de douane, il peut être emprisonné jusqu'à 3 ans. Et lorsque un véhicule qui transporte des marchandises de fraude est attrapé, le véhicule peut être sanctionné selon sa capacité par une amende de près de 10 000 $ ou être saisi et confisqué. Et lorsqu'on attrape des importations ou le transport de marchandises prohibées, restreintes ou de fraude, ceci est sanctionné par l'emprisonnement qui va jusqu'à 5 ans ou 50% de la valeur en douane des marchandises concernées ou les deux à la fois. Pour les importations et exportations de marchandises cachées, la loi prévoit un emprisonnement jusqu'à 5 ans ou 50% de la valeur en douane des marchandises concernées ou les deux à la fois. Et pour une infraction de faux et usage de faux, fausse déclaration, refus de répondre aux questions, obstruction au contrôle des marchandises, la loi prévoit un emprisonnement jusqu'à 3 ans ou 10 000 $ américains ou les deux sanctions à la fois. Pour une infraction relative au refus de produire les documents, la loi prévoit une amende d'au moins 5 000 $américains. Ça, c'est la loi sur la gestion des douanes, parce que c'est les cas qui sont les plus fréquents. Dans le cadre de ces actions, de dissuader définitivement ces actions de fraude, il a été décidé que ces sanctions qui sont prévues soient appliquées strictement, surtout dans le cadre de cette synergie avec les autres institutions de l'État et l'Office burundais des recettes. Audace Nionzima, commissaire général de l'OBR, dont les propos ont été recueillis par Ezekiel Ndikumwenayo. Parlons agriculture à 13h02 dans les studios de la radio Isanganiro. Les caféiculteurs de la province Karusi demandent à l'État d'instaurer un système d'octroi des avances aux caféiculteurs en campagne café afin de stopper le phénomène des commerçants qui spéculent en leur donnant des prix à des taux prohibitifs, communément appelés Umugwa. Emmanuel Niungeko, directeur général d'Office burundais pour le développement du café au Burundi, ODECA, en sigle, révèle que les caféiculteurs ont désormais droit de demander une avance équivalente à 20% du prix de leur production. Le point avec Fidèle Antoine Sabiman. Ces caféiculteurs de la province Karusi font savoir que la cause de vendre une partie de leur production avant sa maturité dépend du manque de fumier ou de semences. Longe Manirakiza est le représentant des caféiculteurs de la colline Bukirasazi en commune Chombo. Quelquefois on a besoin du fumier. À ce moment, on s'adresse aux commerçants qui vous prêtent de l'argent que vous allez rembourser avec un intérêt que le gouvernement nous avance d'un certain montant. Cela nous éviterait de vendre une partie de notre production aux commerçants. Ce représentant des caféiculteurs demande à l'État de donner des avances aux caféiculteurs afin d'éviter des spéculations faites par certains commerçants. Emmanuel Niungeko, directeur général de l'Office pour le développement du café au Burundi au décan en sigle, affirme que l'État est au courant des préoccupations de ces caféiculteurs et que désormais un caféiculteur peut demander une avance auprès de son usine. La première décision du gouvernement a été celle de payer les agriculteurs dans les brefs délais, mais aussi dans la réglementation de la campagne café. C'est bien précis qu'un caféiculteur peut adresser une demande au chef d'usine, lui demandant une avance équivalente à 20% du prix du café qu'il a fourni à l'usine. Cet argent sera remboursé lors du paiement de la première tranche. C'est une nouvelle mesure du gouvernement prise dans l'intérêt des caféiculteurs. Nous vous garantissons que pour la prochaine saison, nous vous donnerons ce règlement à l'avance pour que vous sachiez ce dont vous avez droit. C'est une avance sans intérêt dans le but de lutter contre les spéculations faites par certains commerçants alors que l'État est là pour garantir l'intérêt de sa population. Emmanuel Niungeko promet à la population que l'État a repris en main la filière café afin de motiver les caféiculteurs burundais. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Poursuivons cette édition à 13h04 dans nos studios. Le Conseil national de la communication CNC en sigle se réjouit du travail des journalistes lors des récentes élections du 20 mai pendant la période préélectorale. Selon Nestor Bangumukunzi, président de ce conseil régulateur, les journalistes et les médias qui ont travaillé en synergie ont été témoins du déroulement de l'opération de ce vote. Dans un communiqué de cet organe de régulation des médias ce mardi, il demande à l'une ou l'autre qui aurait failli à sa mission de se corriger. Suivez. 340 journalistes et techniciens représentant 49 médias ont participé à la synergie des médias au démarrage de la campagne électorale et le jour du scrutin. Ils ont été déployés pour informer le public sur le démarrage de la campagne et sur le déroulement du scrutin. Pendant la campagne, chaque médium s'est organisé pour couvrir les différents concurrents et le public a pu suivre la conduite de la campagne par les candidats. Le jour du scrutin, une nuit électorale a été organisée par la synergie des médias pour informer davantage le public sur l'événement. Le lendemain, Ils ont poursuivi leur travail malgré la fatigue. Ils ont ainsi pu donner les premières tendances des résultats provisoires et partiels des élections du 20 mai. Cela faisant, ils ont été les témoins privilégiés du déroulement de l'opération de vote. Leurs prestations d'avant le vote ont permis de renforcer les acquis de l'indispensable éducation électorale, notamment le devoir d'éviter le discours de haine et des messages qui risquaient d'avoir un impact négatif sur la cohésion sociale. Le Conseil national de la communication saisit cette opportunité pour remercier les journalistes et les médias qui ont pris part à la synergie des médias. Une fois de plus, ils ont fait preuve de maturité professionnelle et ont prouvé leur sens élevé de responsabilité sociale. Le Conseil les exhorte à continuer dans le même sens, car le processus électoral n'est pas encore fini, sans oublier que la période post-électorale offre de la matière aux journalistes. Allez-nous l'autre qui aurait succombé sous la faillibilité humaine, le Conseil national de la communication recommande encore une fois plus de professionnalisme et de vigilance. Quoi qu'il en soit, le Conseil rappelle que la loi et les principes fondamentaux du journalisme sont leur seul guide. Nestor Wanghumukunzi, président du CNC, dont les propos ont été recueillis par Eline Bell Nibigira. En page éducation, les superviseurs communaux et provinciaux du concours national édition 2020 sont appelés au respect du timing lors de la passation de ce concours prévu du 9 au 11 courant. Cet appel du président de la commission chargée à des préparatifs de cette épreuve ce mardi dans une rencontre avec ses superviseurs. De Gracias Ninibuka précise que tout est prêt pour le bon déroulement du concours national. En page santé, des mesures d'hygiène, dont le lavage des mains pour se protéger contre la pandémie du coronavirus, se sont respectées au parking des bus se trouvant au centre-ville de Bujumbura. Selon les chauffeurs rencontrés sur place ce mardi, il y a des passagers qui passent outre cette mesure. Ces chauffeurs craignent la propagation de cette pandémie vu que certaines personnes refusent de se laver les mains. Ils demandent néanmoins la disponibilisation de l'eau et du savon sur les autres parkings se trouvant à l'intérieur des quartiers. Le point avec Vestine Boutoy. Au parking des bus allant vers les zones Kamenge et Kinama, on y voit des seaux d'eau sur lesquels il y a deux morceaux de savon. Au parking des bus de marque Memento, il y a un seau d'eau sans savon. Et au parking des bus menant vers les zones Kanyosha et Musaga, il y a deux citernes d'eau en parallèle avec des morceaux de savon. Et au parking des bus se dirigeant vers Kiriri, on y trouve des seaux d'eau parmi lesquels un seul contient de l'eau chlorée. Certains des chauffeurs des bus allant vers Kamenge et Kinama font savoir que les mesures d'hygiène pour se prévenir contre la pandémie de coronavirus sont respectés. Un d'entre eux explique que chaque passager doit se laver les mains avant d'entrer en bus. Cependant, un autre déplore que parfois, il y ait des passagers qui refusent carrément de se laver la main avant de s'introduire en bus. Ces chauffeurs de bus signalent que le non-respect de la dite mesure pourrait favoriser la propagation du coronavirus si le passager qui a refusé de se laver les mains était porteur de la maladie. Pour faire face à la pandémie du coronavirus, ces chauffeurs rencontrés au parking des bus situé au centre-ville de Bujumbura demandent aux autorités habilitées de resensibiliser la population sur ces mesures de prévention et disponibiliser de l'eau et du savon sur les parkings des bus se trouvant à l'intérieur des différents quartiers de la ville de Bujumbura. Radio Isanganiro, chronique santé. Place à la chronique santé de ce mardi à 13h09. Le tabac, plus de conséquences chez le fumeur que chez le passif. L'explication est du pneumologue François Ndikumwenayo qui précise que les premiers jours, le patient souffre de la toux persistante. Selon ce spécialiste, les conséquences s'aggravent au fil des jours, notamment vers l'atteinte du cancer des poumons et de la vessie. Les détails, c'est dans cette chronique santé signée Ornella Mucho. Le tabagisme est responsable de la majorité des maladies pulmonaires. Le pulmologue François Ndikumwenayo précise que le cancer des poumons est causé par la fumée du tabac à plus de 90% des cas. Que ce soit le tabagisme passif ou actif, les conséquences sur la santé restent les mêmes à des niveaux différents parce que celui qui fume directement va fumer plus que celui qui inhale la fumée d'hoste de l'autre. Les conséquences alors se manifestent essentiellement sur le plan respiratoire. Ce sont ces gens qui vont avoir des difficultés respiratoires. Ils vont avoir des toux chroniques, productives ou non. Ils vont avoir des dents qui sont corrollées ou carriées. Ils vont avoir avec le temps le développement de certaines maladies respiratoires, à savoir le cancer du poumon. Je vous dis que le cancer du poumon est causé par l'exposition à la fumée de tabac à plus de 90% des cas. Il signale également que fumer favorise la présence quotidienne dans le sang de plusieurs milliers de substances toxiques. Selon toujours lui, le tabac est également à l'origine des maladies cardiovasculaires. En plus du cancer du poumon, ce sont des sujets qui sont à risque à développer des cancers de la vessie. Pourquoi pas cancer de la gorge, cancer du CRR. À côté des maladies cancéreuses, le tabagisme est à l'origine des maladies cardiovasculaires. À côté de ces maladies, le tabagisme est à l'origine d'une dénutrition. Parce que les gens qui fument n'ont pas assez d'appétit comme quelqu'un qui ne fume pas. Et par conséquent, ils vont avoir plus d'appétit au tabac, à la fumée, que d'appétit pour les aliments qui pouvaient leur assurer une bonne santé. Quand ils ont une dénutrition chronique, ils sont aussi exposés à des risques des maladies infectieuses parce que l'immunité sera compromise. Le meilleur moyen de se prévenir contre les maladies causées par le tabagisme, c'est d'arrêter tout simplement de fumer. Et selon Dr François Ndikoumenayo, cela facilite également le traitement. En résumé, c'est que fumer n'apporte rien à la santé. Personne n'a faim de ne pas avoir fumé. Aucune maladie qu'on va diagnostiquer en vous disant, vous souffrez de cette maladie parce que vous n'avez plus fumé dans votre vie. Au contraire, on trouvera beaucoup de maladies qui se développent parce que vous avez fumé. Le message qu'on doit transmettre à la population qui nous écoute est de ne pas fumer et pas fumer les autres. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les fumeurs sont exposés à un risque plus élevé de contracter à une forme plus grave le COVID-19. Et selon le communiqué du ministère de la Santé publique, à l'occasion de la journée mondiale sans tabac, plus de 7 millions de fumeurs meurent par an, dont à peu près 900 000 de fumeurs passifs. Merci à Ornella Mouchoué, au pneumologue François Ndikoumenayo. Ainsi s'achève cette édition à 13h13 dans nos studios. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser, à Séraphine Akizimana qui assure la mise en onde. Je dis merci. Bon après-midi à tous.